Chapitre 16e, un atout dans le jeu. Entre Damon Reeves et le chef Comanche, Madge restait immobile, les mains nerveusement croisées, le regard allant de l'un à l'autre. « Quoi ? Vous, Damon Reeves, vous êtes le chef hors-la-loi qu'on appelle la terreur de la piste ?»« Je suis Damon Reeves, votre ami, plus que votre ami. À peine est-il boire chez votre foyer, que j'étais en selle et sur la piste, suivi d'une bande de braves pour vous sauver. » J'arrive juste à temps, n'ayez plus peur, vous êtes en sûreté. Nullement en sûreté si ce Comanche a dit vrai. C'est votre machination vile et perfide, dont il ne fut que l'instrument volontaire, qui a désolé notre demeure et nous a conduites ici captives. Une douzaine d'existences ont déjà été sacrifiées, mais il y en a encore deux qui doivent disparaître, car jamais je ne tomberai vivante entre vos mains. Elle croisa les bras et le regarda sévèrement en face. L'homme sentit le mépris de ce regard, bien que ses yeux, se posant à peine dans leur incessante mobilité, tantôt sur un des guerriers Comanches, tantôt sur un autre, ne rencontrassent jamais ceux de la jeune fille. Il comprenait qu'il était lui-même dans un mauvais pas, à moins d'un changement dans les sentiments présents d'Oweta, car il lisait clairement sur la figure du chef que la digue entre eux n'était pas loin d'être rompue. Cependant, il fit bonne contenance. Il doutait qu'il fût possible d'enlever de l'esprit de Madge la conviction qu'elle venait d'exprimer, mais il ne voulait pas s'avouer battu. Il allait repousser avec horreur l'accusation portée contre lui et tâcher de répondre sur le champ à la jeune fille quand Oweta s'interposa. « Que mon frère blanc mette de côté ses petits fusils. Le Comanche est son ami. Les jeunes hommes ont suivi la piste comme il l'avait promis. Pourquoi le serpent a-t-il fâché ?»« Que vos guerriers mettent de côté leurs arcs. Alors nous fumerons le calumet de la paix ensemble. Pourquoi nous battrions-nous ?» Mais où est assez que j'ai résolu dans mon cœur que l'oiseau blanc chanterait dans ma maison ? Quel coulébra n'est pas la langue double ? Le Comanche ne fumera pas le calumet avec quelqu'un qui renie son nom. C'est le serpent qui est l'ami de Weta. Il ne connaît pas Damon Reeves. Reeves vit qu'il était pris au piège. Le chef ne voulait pas lui permettre de cacher son identité devant Madge. Il prit soudain une résolution désespérée. Eh bien oui ! Je suis celui que les hommes appellent El Culebra. Pourquoi le nierais-je ? Vous et moi, Oweta, nous sommes de vieux alliés, et nous avons échangé une promesse. Allez-vous, pour l'amour de ce visage d'eau et de lait, violer votre parole ? Culebra viole sa promesse le premier. Il disait avoir des tas de frères blancs là-bas. Oweta attend, mais les frères blancs jamais ne viennent. Alors il prend le rancho, scalpe les faces pâles et enlève la fille à lui tout seul. Le frère blanc qu'a-t-il à dire à cela ? Vous vous êtes trompé, vous êtes venu trop tôt. À peine étiez-vous parti que mes hommes arrivèrent, et plus d'un a reçu des coups de fusil d'ennemis qui, sans eux, vous auraient poursuivi et atteint. Et si je n'avais pas mis les pâtres du rancho sur une fausse piste, vos braves seraient tombés comme des feuilles à l'automne sous leurs balles. Je me suis battu avec eux, et mes hommes ont soutenu la charge des jaquettes bleues qui croyaient attaquer votre camp. El Culebra a bien gagné, l'oiseau blanc. Oweta le lui refusera-t-il ? Le Comanche avait écouté l'air maussade. Cependant, les paroles de Damon Reeves semblaient porter la conviction dans son cœur et plus d'une fois, il secoua la tête en signe d'assentiment. Le serpent a bien parlé. Il avait la promesse du Comanche et il a tenu la sienne. Oweta n'a pas la langue double. L'oiseau blanc ira dans la tente d'El Culebra et le grand chef des Comanches cherchera une autre squaw. Oiseau blanc, vous dites que blanc et rouge ne se mêlent pas. Allez au chef blanc, il est grand et brave et vous serez heureuse dans sa demeure. Je ne veux pas mentir. Prenez-la et allez. » De la main et du bras, le Comanche fit un geste expressif, comme s'il jetait à son allié la jeune fille, qui se tenait droite et fière entre eux. D'une légère pression des genoux, Damon Reeves poussa, sur le sol rocailleux du canyon, son cheval vers Madge, à qui il tendit les mains en disant « Venez, vous avez entendu les paroles du chef. Avec lui, c'est la mort, avec moi, c'est la vie et le bonheur, car j'ai des richesses. Et je désabuserai votre esprit des idées fausses qui l'assombrissent maintenant. Je reconquérerai votre âme au soleil et à l'amour. Venez !» L'effronterie la plus endurcie ne saurait aller plus loin. À entendre la douceur de son langage caressant, personne n'aurait pu croire que ses mains étaient rouges de sang et son âme noire de crime. Mais le charme n'opérait plus sur Madge Dennison. Damon Reeves ne pouvait plus la tromper. Les bras croisés sur son sein, elle le regardait en face, d'un air d'orgueilleux défi. Non, je ne viendrai pas. Je me confierai plutôt à la générosité de ce fils des plaines, qui a prouvé du moins sa véracité et sa chevalerie. Passez votre chemin, sire bandit, c'est avec Oweta que je vais rester. Il sera mon ami. Il me rendra mon foyer. Sinon, la mort viendra à moi, subite et sûre. Mais quelque malheur qu'il m'arrive, il ne sera jamais dit que j'ai mis, le sachant, ma main dans celle d'El Culebra. » Elle se détourna et se glissa derrière le Comanche, lui mettant une main sur l'épaule, tandis qu'elle levait l'autre en un geste de répulsion. À ce contact, toute la noblesse latente du Comanche se révéla. « Un instant, » dit-il, « l'oiseau blanc a choisi, c'est bien. Oweta voulait l'égorger, mais ses yeux sont ouverts, et il sera son ami. El Culebra, allez !» Le Comanche se moque de son ami. « Pourquoi plaisante-t-il ? Le serpent ne siffle pas en vain. Donnez-moi la fille, ou c'est la guerre entre vous et moi. »« Que ce soit la guerre, Oweta jette le couteau, que le serpent le ramasse. » La mine fière, le front menaçant, le chef lança à terre le long couteau qu'il avait jusque-là tenu dans la main. « Quittez mes tentes. Quand l'ombre dépassera cette ligne, Oweta cherchera votre scalp. » Derrière Oweta s'étaient rangés les guerriers Comanches. À la menace de leur chef, chaque homme leva son arc et prit une flèche, prête à la poser sur la corbe tendue, et tous, d'une seule voix, les uns en anglais, les autres en Comanche, crièrent « Allez !» Le cœur gonflé d'un orgueil de victoire, Madge contemplait cette scène. La beauté avait eu son triomphe. Mais à présent, vint le tour d'El Culebra. Sans qu'un muscle de sa face tressaillît, il rassembla ses rênes comme pour partir. Mais il parla, et à mesure qu'il parlait, son accent devenait plus sarcastique et plus mordant. Est-ce qu'Oweta a cru que le serpent se glisserait dans le repaire du coyote de la prairie seul et s'y laisserait tuer? Voyez, il tient la vie du chef Comanche dans ses doigts pour en faire ce qu'il voudra. Il aura l'oiseau blanc ou bien il aura la vie d'Oweta et l'oiseau blanc aussi. Oh, là mes hommes, montrez-vous! En disant ces derniers mots, il éleva la voix et agita la main. Comme par magie, derrière lui, à l'entrée du petit canyon secondaire par où il était venu et sur les corniches des rochers au-dessus, apparurent une vingtaine d'hommes visant chacun sauvage, tandis que trois carabines convergeaient vers le cœur d'Oweta. « Vous connaissez mes hommes, Oweta, leur tir est sûr. Ramassez votre couteau, ou par le grand esprit qui est là-haut, vous allez tomber mort ici même. » Une fois de plus, l'outlaw avait mis les atouts dans son jeu et gagné la partie.